J'anticipais le fait que j'allais faire sans doute une petite présentation qui fait le lien entre les deux. Mais avant, Cyprien, tu n'as pas dit que la salle ici s'appelle La Brèche? Oui. C'est quand même un nom cher à la fois aux libertaires et puis à Holloway. Et puis donc, elle est occupée par le MILI, hein, le mouvement Interlute. Et entre 9h et 18h, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il me semble qu'il est important. En effet, moi je suis assez aussi dans les enchantements, mais pas seulement, parce que je pense au double mouvement qui nous intéresse dans les champs, dans les objets qui sont les nôtres, qui sont qui est le double mouvement de soustraction et d'addition, qui est cher à un certain type de critique sociale ou un type de mouvement politique. Et à ce point de vue-là, je voudrais rendre hommage à Miguel Abensur, qui a été inhumé la semaine dernière, précisément parce qu'il a beaucoup travaillé sur l'école de Francfort, déjà, sur le désenchantement, et puis aussi parce que sur la mélancolie qui nous est chère, et notamment dans les sciences sociales, et puis aussi parce qu'il est l'auteur de la démocratie insurgente, oui, en tant que mouvement important. Donc je pense que ça crée quand même une conjonction intéressante. Alors moi, je voudrais juste, en effet, reprendre un peu de façon, je disais lapidaire, mais peut-être discursive, des points qui ont déjà été abordés. D'ailleurs, ça va être assez proche, au fond, mais sauf que je parlerai plus d'un point de vue sociologue. Moi, je pense qu'en effet, on peut faire le constat que... je pense qu'il y a un ouvrage qui n'a pas été cité, qui est quand même un tournant, c'est Le Nouvel Esprit du Capitalisme. Je pense qu'on peut faire le constat que la sociologie, elle est devenue réaliste, tout simplement. C'est en ce sens-là que nous sommes, on peut se faire référence à Abensur, mais pas seulement à Benjamin, sur la notion de mélancolie. Elle s'est glissée, la sociologie, dans la domination complexe, hein, selon le terme de Boltanski. Domination, en effet, ça a été dit par les deux locuteurs, domination que l'on peut appeler de gestionnaire, tout simplement, qui nous concerne, parce que nous sommes totalement liés dedans. Et cette domination gestionnaire, comme on le sait, elle a commencé à se construire dans les sciences sociales, dans les années 70, à partir du moment où la science et la technologie sont devenues quasiment consanguins ou contiguës au gouvernement, au sens de Rancière ou de Foucault. Gouvernement par les normes, entrepreneuriat, monde du projet, qui ensuite a affecté nos milieux pour aller très très vite. Notamment, ça a été dit par la question de la spécialisation et de la professionnalisation. Je crois qu'il n'y a pas lieu de distinguer les précaires des titulaires. Moi, je pense, je ne veux pas enfoncer le clou de la dépression, mais je pense, parce que je pense qu'on peut être aussi optimiste, encore une fois, dans ce mouvement qui nous intéresse de la soustraction et de l'addition, je pense qu'on peut parler d'une dévalorisation et d'une dévaluation de la sociologie actuellement. Si l'on compare, précisément, moi je viens de la science politique, si on compare la sociologie à la science politique, je pense que c'est assez notoire, au droit évidemment et surtout à l'économie. Précisément parce que la sociologie, en tant que discipline de pensée, s'est au fond inscrit beaucoup plus rapidement qu'on ne le pensait dans la réalité managériale. Mais aussi, sans doute, parce qu'elle-même, elle a contribué épistémologiquement. Et je suis assez d'accord, on reviendra aussi sur la question de l'éthos. Elle a contribué peut-être à se disqualifier elle-même sans doute en se coupant des mondes familiers, des petites opérations, ce que Rancière avait nommé la légère subversion des attitudes ordinaires propices à l'émancipation, qui commence par le bruissement des corps et de la voix. Et il me semble que si la sociologie s'est peut-être un peu dévaluée, en dehors de la sociologie pragmatique que nous présentons ici, mais si elle s'est dévaluée, c'est peut-être que les modalités de description du réel et du monde, et la critique, qui était une fonction de la sociologie, qui reste une fonction de la sociologie, sont monopolisées aujourd'hui par les experts. Les experts des gouvernements, qui sont eux-mêmes assis dans leur expertise par l'autorité des gouvernements. Bien sûr, Descola et Latour ont développé leur propre mode de redescription des mondes, le naturalisme, le grand partage, etc. Mais nous constatons que la sociologie et la critique, et la sociologie critique, se resserraient sur un seul type d'institution à décrire, le politique, le gouvernement des places, pour parler comme Rancière, et non pas la politique. De ce point de vue-là, il y a une espèce de congruence maintenant, quelquefois totalement incestueuse aussi, entre sciences sociales, sciences politiques, ça va de soi, domination complète, système de classe, démocratie représentative et société gestionnaire. Remarquons que les gouvernants font appel à des experts et se tournent vers des savoirs qui introduisent, ça a été dit, des formes de raisonnement incompatibles avec le projet d'émancipation, de plus en plus, au sens politique. Me semble-t-il, de plus en plus, mais encore une fois, on verra que, enfin, on est à peu près tous d'accord, il y a des marges de manœuvre. Ce sont également d'autres sciences que la sociologie, comme l'économie, la psychologie, les sciences cognitives, évidemment, qui sont aujourd'hui mobilisées par les gouvernements. Il n'y a qu'à voir la question du terrorisme sur laquelle je travaille, à quel point la science cognitive a pris le terrain de la sociologie morale ou normative, d'ailleurs. Et au fond, ces sciences-là sont peut-être mieux équipées pour rendre la société intelligible et anticiper les changements qui sont demandés par les gouvernements. Il n'y a qu'à voir aussi, me semble-t-il, mais c'est peut-être un débat de fond qu'il faudra avoir, la façon dont on nomme aujourd'hui émancipation, empowerment, ou agir, ou la cité par projet ou le réseau. Et pourtant, la sociologie s'est définie depuis son origine par un écart, précisément, par rapport aux descriptions de la société que pourraient produire des experts administratifs ou des juristes, puisque ces derniers, les juristes et les experts, se fondent uniquement sur des catégories juridiquement reconnues, alors que le sociologue, en principe, n'a de pertinence que s'il s'inscrit dans l'identification d'identité collective qui ne sont en principe pas encore nommées par l'État. C'est l'idée que le sociologue suit les acteurs, hein, comme on le dit dans la sociologie pragmatique, et qu'il est en prise réellement avec les acteurs et avec le monde. Il semble qu'aujourd'hui ce soit de moins en moins vrai. Parce que la sociologie, en se penchant sur la réalité construite, hein, au sens de Luhmann ou de Boltanski, sur l'ordre social, s'est écarté non seulement des petites opérations ordinaires, mais peut-être aussi des humanités, me semble-t-il, c'est-à-dire en premier lieu l'anthropologie et la philosophie, qui ont été quand même portant au cœur de la 5e section de l'École de hautes études en sciences sociales. Et la sociologie se place beaucoup plus dorénavant au cœur des processus de modification de la réalité, c'est-à-dire de confirmation, de conformatation et de stabilisation, au sens où Boltanski en particulier, mais pas seulement, a introduit ce terme, notamment avec la sociologie des épreuves. Et on voit bien aujourd'hui que nous, en tant que sociologues, au même titre que les acteurs ordinaires, c'est là où précisément il y a une espèce de rabattement sur la sociologie, de la sociologie sur les acteurs d'ordinaire, mais pas de la bonne façon. Nous sommes contraints aux mêmes injonctions. Je sais bien que, mais quand même, il faut s'adapter au changement, etc. Ce que, au fond, un ouvrier de Whirlpool entend également tous les jours, nous l'entendons de la même façon. Et ça, c'est quand même assez nouveau pour nous. Puisqu'à priori, notre métier, c'est précisément de savoir décrypter ça. Et il me semble que c'est devenu aujourd'hui difficile pour le sociologue de décrire ce que peut être l'émancipation. Il y a même un embarras à pouvoir parler d'émancipation, puisque lui-même, encore une fois, est au cœur de ces contradictions herméneutiques, comme aurait dit Boltanski. Et donc, au centre du dispositif de domination complexe ou gestionnaire, il y a bien désormais en plus, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'expert sociologue. On le voit bien dans la place prise, en effet, il n'y a qu'à voir. Hein. Il faudrait faire, pas besoin d'un algorithme, hein, de faire un espèce de tableau statistique des ouvertures de postes en PR ou en maître de conférence. Il n'y a plus que des postes en sociologie des organisations, sociologie du travail, un petit peu en sociologie clinique et beaucoup aussi en sens de l'information. Et c'est très intéressant parce que, en effet, on voit bien que d'une part, ça participe à la dévalorisation d'une sociologie plus générale, voire critique, mais aussi, il faut remarquer, ce sont peut-être des sciences qui sont rigoureuses et nobles au sens où elles ont su adapter le point de vue juridique ou celui de l'économiste. Et de ce point de vue-là, une certaine forme de sociologie qui était pourtant à la racine de la sociologie, depuis les humanités, et peut-être en voie d'être... Encore une fois, je ne veux pas noircir le tableau, parce que ce n'est pas l'objet, et puis on est un peu impressionniste, et puis... Mais on voit bien qu'il y a des représentations alternatives qui sont disqualifiées, me semble-t-il. Alors que l'expert économiste, juriste, lui, peut invoquer le caractère impétueux des lois pour légitimer la réalité qui les dicte. Et c'est pour ça aussi que, comme ça a été dit, la science échappe aux sociologues. La sociologie est prise en étau entre l'économiste et l'expert. À cela, il faut ajouter une malédiction scientifique, c'est l'accusation d'une pensée conspirationniste qui pèse de plus en plus cruellement sur la sociologie, la fameuse phrase de Manuel Valls, hein, la sociologie fournit toujours des excuses. Et il est très difficile de riposter pour les raisons que j'ai énoncées, mais aussi parce qu'il faut le reconnaître, hein, pour une fois, sans avoir à noircir, puisque si nous sommes présents, c'est bien que nous avons une raison d'exister, la sociologie est quand même assez homogène, elle est assez totalisante. Elle est même aussi dépolitisée, au sens de l'absence de prise en compte d'un mot-clé qui a été prononcé, les subjectivités, qui me semble échappe de plus en plus à la sociologie, alors qu'elles sont rattrapées par un mauvais biais cognitif, par les sciences cognitives, la psychologie, etc. Et ça, je crois que c'est surtout là-dessus qu'il faut travailler, c'est sur le retour aux subjectivités. Et c'est fort heureux que Francis ait eu l'idée fort intuitive de convoquer Honnête, même si on peut être en désaccord. Et il me semble que cette malédiction-là, elle avait quand même été posée par Rancière, hein, c'est pas que ce soit une icône, mais parce qu'il avait bien vu dans son combat avec Bourdieu, ou contre Bourdieu, cette question-là. C'est-à-dire que, c'est ce que disait Sip tout à l'heure, à partir des années 90, on voit bien qu'une sociologie de la domination bourdieusienne qui a pris le dessus, alors qu'à nouveau, ce n'était pas le premier Bourdieu non plus, et Rancière, par exemple, dans La haine de la démocratie, montrait bien comment la sociologie, La haine de la démocratie, c'est de mémoire, je crois que c'est, après le bouquin de Milner, je crois que c'est 99, me semble-t-il, la sociologie rétive à l'étude des... C'est plus tard. 99, c'est le genre politique. Oui, c'est ça, c'est peut-être... C'est le cas de 2005, je pense. Moi, je dirais avant, je pense, enfin, bon, avant. En tout cas, il dit bien, peut-être de façon de mauvaise foi, hein, mais peut-être faute de combattants, justement, à quel point la sociologie est rétive à l'étude des singularités, à quel point la sociologie était, mais encore une fois, c'est quand même quelque chose qui est de mauvaise foi, et la sociologie est empêchée dans la façon d'aborder les processus de subjectivation politique. Parce qu'elle serait obligée de céder sur son protocole épistémologique qui est généralisant. Et il est très difficile, on le sait tous, de faire de la sociologie au cas par cas. Donc ça, moi, je pense que c'est un point central. Le rapport par bouquin interposé de Rancière à Bourdieu, pour moi, est une étape très importante dans la dévalorisation de la sociologie. Au fond, ce que nous a dit Bourdieu, il faut reconnaître, c'est que les acteurs sont incapables de se révolter. C'est ce que disait... Voilà. Voilà, après on va y revenir, mais le Bourdieu a quand même enfoncé là-dessus. Les acteurs ordinaires sont incapables de se révolter en vue de leur reconnaissance, et ce débat ne fait que continuer. Par exemple, on voit bien, lorsque nous parlons des mouvements avec lesquels on travaille, les mouvements libertaires, autonomes, le municipalisme libertaire, les cortèges de tête, tout ce qui est du domaine de la violence politique, on voit bien que par la sociologie, c'est incompréhensible. Soit c'est de l'anarchisme débridé, soit c'est du rapport social de domination. Alors que pour un autonome, un cortège de tête, Lili, ou celui qui a en ce moment le slogan « ni Macron, ni patrie, ni patron », être pensé comme une victime, c'est une insulte. C'est une insulte suprême aujourd'hui. Encore une fois, il faut rappeler que cette salle s'appelle la brèche. Donc l'idée qu'un précaire ingouvernable, génération ingouvernable, serait un autonome en pleine rébellion qui serait dans des pratiques zénotières, qui serait incapable de différencier un flic d'une poubelle, c'est absolument intolérable d'entendre ça de la bouche des sociologues. Et ça, pourtant, nous l'entendons tous les jours. C'est-à-dire que l'émancipation, en ce moment où on a quand même des jeunes extrêmement réfléchis qui défilent dans la rue, que l'émancipation et la subjectivité sont un impensé de la sociologie actuelle. Je pense qu'il faut vraiment s'interroger là-dessus. la subjectivité est devenue un tigre de papier, au fond. Tant les formes d'expression de la politique sont ramenées à un rapport social de domination ou de la violence gratuite, si on prend encore une fois la question de la loi travail, de cortège de tête, de la brèche, où nous sommes ici, les acteurs seraient incapables. Ils seraient incapables parce que seul le sociologue serait capable de dévoiler la réalité. Et c'est sans doute parce que la sociologie s'articule à des totalités, et malheureusement peut-être s'articule trop et uniquement à des totalités, qu'elle a neutralisé toute la notion de la conflictualité, qui est chère à l'école de Francfort, et qui est chère à Zimmel tout de même. Et aujourd'hui, les événements, quand ils sont saisis par la sociologie, ils affleurent souvent comme noyés dans une trame générale d'action et de réaction, de protagonistes qui sont déjà installés dans la réalité. Et c'est sans doute cette idée de ne saisir que des totalités qui freine, de mon point de vue, c'est comme ça que je le lis, étant assez en contact avec les milieux des jeunes autonomes, ça freine la lisibilité et la crédibilité de la sociologie auprès du grand public. C'est-à-dire cette idée d'avoir retiré la subjectivité et l'émancipation. Et tout simplement, la sociologie perd peut-être le pouvoir de produire quelque chose de nouveau dans l'ordre social. Et donc, il me semble que la critique et la sociologie sont aujourd'hui persécutées, eux également entravées, par une sociologie qui est de plus en plus professionnelle, qui donc, de fait, du fait qu'elle est prise par ce qui a été dit auparavant, par l'insécurité, la flexibilité, fait que nous n'avons plus le temps de nous mobiliser, de réfléchir, ou d'être en prise, comme dirait Francis, avec des milieux rebelles, des collectifs, etc. Il faudrait revenir sur la notion de prise, évidemment, telle qu'elle a été, je ne sais pas comment on peut dire, décrite par Francis et par Bessy, c'est-à-dire cette idée de réparer l'écart entre les asymétries de pouvoir et les totalités pour aller très très vite. Donc, il me semble que la sociologie aujourd'hui, sociologie du travail, sociologie économique, est devenue réaliste. Elle se glisse dans la stabilité de la réalité construite, dans la sociologie des épreuves, et il me semble qu'il existe de moins en moins de décalage entre nos expériences de pensée et nos vies réelles. À la différence d'un intellectuel des années 70, fut-il existentialiste ou universel ? Et c'est peut-être une des raisons de dévaluation de la sociologie actuellement, elle n'a plus d'ontologie. Et c'est pour ça qu'il faut faire l'effort de redonner un sens à la sociologie. Alors, pourquoi plus d'ontologie ? Me semble-t-il, il faut aller encore un peu plus loin par rapport à ce qui a été dit. Il y a les injonctions à la recherche par projet, qui non seulement a des contraintes managériales, professionnelles, ça a été dit, dans lesquelles nous sommes tous, mais qui introduit un cadrage très fort, ça a été dit, sur les objets étudiés. On peut se demander si l'enquête pragmatiste ou l'enquête tout court peut encore avoir lieu. Les subjectivités, je l'ai dit, sont un impensé de la sociologie. Autant la sociologie est apte dans les arènes, les controverses, autant elle est maladroite, elle est mal à l'aise à saisir ce qui déborde de la réalité. Parce que ce qui déborde de la réalité, c'est toujours remis, comme, pour parler comme Bourdieu, c'est remis au sein d'un espace des possibles, au sein d'un champ de lutte, donc confiné aux rapports sociaux de domination et aux rapports de causalité. Et donc il me semble que notre travail à nous, c'est de reprendre la question de la description sociologique au sens pragmatique, où il y a plusieurs voies, on pourra en reparler, mais c'est-à-dire reprendre des descriptions qui sont extensives de la critique, c'est-à-dire tout simplement suivre les acteurs en train de faire quelque chose avec des points d'appui, langagiers, corporels, ordinaires, avec une enquête engagée, etc. Alors que l'enquêteur tend aujourd'hui à se soustraire des mondes sociaux, alors que, comme le disait Katz, il devrait demeurer une plaque sensible. Comment en sommes-nous arrivés là ? Je vais prendre encore 10 minutes. Il y a évidemment, ça a été dit, ce que j'appelle moi la cité par projet, obligation de générer de l'activité. L'étalon auquel on doit se mesurer, c'est celui de cette capacité à générer de l'activité, s'insérer dans les réseaux, être compétent relationnellement. Tout en se prétendant autonome, se rapprocher de la société civile, etc. Donc on est de plus en plus conforme au modèle de l'innovation proposé par Schumpeter. système de l'innovation polarisé par des critères d'utilité et de compétition, ça a été dit. Mais il me semble qu'aujourd'hui, nous sommes comme des cadres supérieurs décrits par le nouvel esprit du capitalisme, avec aussi une injonction à ne plus être fidèle à soi, souvent, malgré l'exigence d'authenticité que l'on a vis-à-vis de nous. Rappelons que dans le nouvel esprit du capitalisme, la fidélité à soi, bien décrite avec le modèle du cadre, c'est un signe de rigidité. Et donc, d'ailleurs, Boltanski et Capello demandaient de repenser cette relation entre profit et morale. D'autre part, on voit bien que, c'est ce que disait Francis tout à l'heure, celui qui n'a pas de projet dans la cité par projet est menacé de disparition. Il est menacé d'exclusion s'il n'est pas dans cette cité rhizomatique. Mais en effet, il y a des brèches, il y a des alternatives, c'est évident. Sinon, ce serait assez triste. Il y a aussi les arguments individualistes de type psychologique que l'on fait peser au sein de la recherche. Et en effet, l'économie pèse doublement. Elle pèse au sens du poids pris par la sociologie du travail et de l'économie dans la recherche en sciences sociales, mais elle pèse aussi comme rétribution symbolique, puisque matériellement, on ne peut pas dire qu'on soit bien rétribué, et qui nous fait croire que nous sommes autonomes, libres et créatifs, et que notre liberté est une œuvre, alors qu'au fond, nous sommes absolument tributaires des contraintes au même titre que précaires. Alors, évidemment, il va sans dire que l'imaginaire, c'est pour ça que nous sommes un peu mélancoliques, l'imaginaire du chercheur s'est restreint. Mais en même temps, en même temps qu'il y a des terrains entiers qui sont délaissés, il y a des terrains entiers à reconquérir, me semble-t-il. Et c'est là où, en effet, il faut repenser la question de la reconnaissance, la question de la conflictualité sociale, qui existe aussi dans ce champ de la recherche. Et il ne faut pas oublier que Foucault, lorsqu'il avait pensé la gouvernementalité libérale, dont nous sommes totalement proches, etc., avait pensé la résistance et la subjectivité comme forme de résistance. C'est ça un point qu'on oublie toujours chez Foucault, hein. On parle souvent quand même. Souvent. Les anglo-saxons y pensent, mais peu les francophones. Et c'est aussi comme ça que Honnête avait lu Foucault, d'ailleurs, ouais, sur cette question de la subjectivité. Donc, sur cette question de la reconnaissance, je vais passer un peu vite. Il me semble que ça a été dit, elle a été, parce que je voudrais venir aux promesses, elle avait été pointée dès 2006 par une chercheuse qui s'appelle Laurence Viry, qu'on a eu tendance à oublier, qui a fait cette thèse sur le monde vécu des universitaires. C'était un petit peu avant, on peut penser que ANR, ERC, tout ça, c'est 2008, moi je dirais. Je pense que la rupture, elle est quand même, en tout cas en termes de pratique managériale, elle est plutôt en 2008-2009 dans nos mondes. Elle écrivait dès 2009 les problèmes associés à l'univers professionnel des sociologues, qu'elle qualifiait de phénomènes socio-psychiques transversaux, qui n'ont rien à envier au monde du travail en entreprise. Elle signalait les cas de souffrance psychique et sociale, les relations de suspicion, de déconsidération envers les collègues, le besoin de reconnaissance, la recherche incessante et insatiable de signes de reconnaissance, la rancœur, la peur du manque de visibilité, etc. Elle notait dès 2006 que ce besoin de reconnaissance était suscité par l'institution, qui nous fragilise, évidemment. Puisqu'il procède par injonction paradoxale, être créatif, être autonome et en même temps être totalement conforme, se conformater, etc. Et c'est d'autant plus troublant dans nos milieux, puisqu'on a une perte de repères aussi en termes de, justement, d'évaluation de la grandeur qualité. On ne sait plus ce qui est évaluable, à quoi correspond la qualité, puisque la qualité, elle est souvent ramenée aux critères quantitatifs, le nombre de revues, le ranking, etc. C'est d'autant plus troublant que l'institution produit de l'incertitude et de la fragilité avec des injonctions paradoxales, se conformer mais être créatif. Et la frustration, de mon point de vue, me semble-t-il, est assez importante pour les jeunes entrants, parce qu'ils ont été marqués par la figure de l'originalité intellectuelle. Et donc, ils sont envieux de ces figures créatrices qui ont existé et qui, en même temps, sont de plus en plus rares. Et donc, il me semble que c'est compliqué de se déprendre de ce processus de gouvernementalité. Et en effet, ça a été dit tout à l'heure, la sociologie a du mal à être en réaction avec ce qui se passe dans le milieu de la recherche, mais aussi tout simplement dans le monde social. Elle a toujours un temps de retard par le fait de ce système qu'il faudrait décrire mieux. Donc, se déprendre et être en prise, il n'y a pas, et c'est là où il faut être optimiste, il n'y a pas de détresse. La sociologie n'est pas en détresse. Elle, au contraire, elle offre une occasion de ressaisir le monde, d'être en prise avec des luttes sociales, et surtout avec l'idée de transformation sociale. Il faut conjurer, me semble-t-il, la malédiction de la dévalorisation de la sociologie. Depuis la radicalité de certaines formes d'expression actuelles de lutte politique que nous observons, auxquelles nous participons même quelquefois, moi je pense qu'il est possible de proposer une authentique pensée de la société autour de cette notion de subjectivité ou d'émancipation, à condition que la sociologie déjà s'émancipe elle-même, pour commencer. C'est-à-dire qu'elle fasse confiance aux acteurs, ou qu'elle refasse confiance aux acteurs, à partir des notions qui ont été nommées, hein, qu'on trouve chez Honneth, mais aussi chez plein d'autres sociologues. De ce point de vue-là, il y a trois opérations à faire: dévoiler, redécrire et critiquer. Le dévoilement reste nécessaire, mais il ne s'agit pas seulement de dévoiler l'habitus ou les rapports sociaux de domination. Il faut concilier l'exigence du dévoilement, donc d'objectivation, avec le respect de la dignité des acteurs et leur subjectivité. Donc mettre en relation des objectivations réciproques de l'action pratique entre, d'une part, l'objectivation du sociologue et, d'autre part, la façon dont l'acteur ordinaire reconstruit des univers de savoir alors qu'il n'a pas les moyens de mener l'enquête lui-même. C'est pour ça qu'il faut aider les acteurs à mener les enquêtes, au sens de John Dewey et Gidarin. Donc la sociologie pragmatique, évidemment, permet ces articulations, me semble-t-il, entre dévoilement et redescription, entre, pour ceux qui sont familiers de la sociologie pragmatique, critique en extériorité, critique en intériorité. Elle rend, de mon point de vue, mais il y a sans doute plein d'autres sociologies et plein d'autres variables, c'est évident, elle rend intelligible le politique et descriptible la politique. Et il me semble que c'est le moment où nous en sommes, là où nous sommes, qui passe par la sensibilité, la reconnaissance de la plasticité des êtres et des acteurs dans leur volonté d'une connaissance d'une vérité pratique. Et ce projet de redécrire le monde, évidemment, il est important au moment où nous parlons. Il s'agit d'observer comment des personnes ordinaires sont mises aux prises avec des événements historiques, on le voit aujourd'hui, qui les dépassent, tout en mettant en récit simultanément la façon dont les puissants cherchent par leurs actions à s'ajuster ou à infléchir ces événements, c'est-à-dire précisément réduire l'incertitude que les acteurs ordinaires, au contraire, ont tendance à exacerber en ce moment dans la rue. Personnellement, moi je plaide pour une sociologie de l'incertitude. Et en particulier en partant de ce qui se passe aujourd'hui autour de la jeunesse, précaire ou enragée, celle qui est ingouvernable, qui me semble une porte d'entrée très intéressante pour penser une sociologie de l'émancipation et ce lien entre dévoilement et émancipation. Par exemple, en regardant le rapport des intellectuels déclassés, disqualifiés, ratés, qui ont trop de culture, c'était l'objet du travail de Jacques Rancière, et qui ne trouvent pas leur place, non pas par déficit de savoir, comme une certaine sociologie des classes sociales voudrait nous y croire, c'est pas même parce qu'ils n'arrivent pas à absorber leur trou, à faire canaliser leur trou plein de connaissances ordinaires, de savoirs profanes, etc. Et ce sont ces intellectuels, entre guillemets, ratés, comme dirait Rancière, qui sont ceux qui peuvent déchirer le voile de la réalité. Parce qu'ils refusent de se plier à elle et à ses exigences d'intransigeance. Il faut que vous vous pliez à ce modèle, aux épreuves des réalités, par la méritocratie, par le concours, etc., par le CNRS ou tout autre concours. Et la brèche dans laquelle nous sommes aujourd'hui, si on veut prendre cette toponymie, au fond, elle rend brûlant le lien entre une culture active acquise, intellectuelle, et l'insurrection, justement. au sens évidemment de Miguel Abensur. Et cette démarche qu'entretient, qu'a accompli les intellectuels précaires, il me semble qu'elle est très proche du travail qui avait été mené par Jacques Rancière sur le lien entre l'autodidaxie ouvrière et le socialisme utopique. Tout simplement parce qu'il s'agit, par la brèche, de résorber les blessures de la reconnaissance. Et c'est bien le travail de Rancière comme celui de Honnête. Trouver des modalités d'articulation entre des critiques proprement théoriques, c'est ce qui nous importe, et aussi rentrer en résonance avec des pratiques contestataires qui débordent du sociétal. Qui débordent du sociétal et qui offrent de véritables débordements existentiels. Moi, je suis très sensible au slogan des Ingouvernables. Ce n'est pas la manif qui déborde, c'est le débordement qui manifeste. Et donc, cette voie est celle d'une pragmatique de la critique, entreprise initialement par l'école de Francfort, dans laquelle que nous continuons plus ou moins à notre niveau, montrer la faiblesse de la théorie critique, mais adjoindre une critique renouvelée, moi je pense que c'est notre travail, formuler une hypothèse cohérente avec l'état des sociétés néolibérales, celle d'une confirmation par la lutte sociale contre les inégalités, et surtout ouvrir une promesse de comprendre les principes de non-domination. Et comprendre l'opposition actuelle entre pouvoir et révolte qui se passe actuellement dans la rue. Alors, je finis là-dessus, il y a plusieurs voies. Bon, Rancière et Abensur ont traité chacun de leur façon de l'émancipation et ont remis en cause, me semble-t-il, ce que la sociologie a un petit peu oublié, remis en cause les oppositions entre sociologie et politique d'un côté, qui ça reste un vrai problème. Comment la sociologie reste opposée au politique, comment le politique reste opposé au social, le social au sociétal, le privé au public, etc. Encore une fois, n'oublions pas que l'émancipation commence par les petites activités ordinaires. Et d'autre part, moi je suis d'accord avec l'idée qu'il faut construire une cité de la recherche, autour du commun, encore faudrait-il s'entendre sur le mot commun, parce que là aussi il y a une variation très importante, il y a un nuancier très important. Et puis essayer de trouver la bonne attitude, la brèche critique vis-à-vis de nos institutions de recherche, qui pensent qu'elles font des choses bonnes pour nous, parce que c'est ça qui est important, elles sont sûres qu'elles font des choses bonnes pour nous. Et en même temps elles nous disent qu'elles ne sont pas immuables, qu'elles peuvent changer. Alors il y a des initiatives qui apparaissent, la Z à l'université qui vient de se monter, avec une formule, hein, je la lis parce que ça me semble tout à fait entrer en connivence avec ce qui a été dit, je cite le groupe Z à l'université, « La logique gestionnaire s'évertue à nous séparer de nous-mêmes et des autres, elle reconfigure sans cesse notre environnement, elle nous déracine. » Et en effet, l'université incarne peut-être une image de la division des rôles avec d'un côté ceux qui produisent leurs moyens d'existence et ont une expérience du travail, c'est le cas des intellectuels précaires et de tous les autres, et ceux qui vivent du travail d'autrui, c'est notre cas, qui pensent la condition d'autrui quelquefois en l'universalisant beaucoup trop rapidement. Et moi je suis d'accord pour le terme de ruse, mais je suis d'accord tout simplement pour employer le terme de Michel de Certeau, la perruque, détourner les institutions, détourner, lui il voyait les pratiques de détournement dans le milieu du travail, ne l'oublions pas, en regardant comment des pratiques sociales échappent au contrôle et à la gestion, et en manifestant la créativité de la ruse qui peut perdurer dans le monde de l'entreprise et dans les cultures populaires. Moi je pense que ça concerne tout à fait l'université. Moi je pense que il y a l'invention de savoir propre, non utilitariste, en lien avec la société, et je pense qu'il faut en effet développer, déclencher même, comme on déclenche un cocktail Molotov, des enquêtes collectives au sens de John Dewey, faire vivre à la fois l'intelligence collective, les instruments d'enquête, fut-ils classiques, parce qu'ils renseignent et ils documentent la critique en extériorité et la métacritique, hein, les entreprises, toutes les opérations de totalisation, mais en même temps en s'appuyant sur les expériences vécues. Moi, il me semble qu'on n'a pas cité le mot de Burawai, quand même, qui mène une sociologie publique, avec des publics oppositionnels aussi au sens de Foisa. etc. Même si on peut être critique sur Burawal, mais il a pris cette tâche à cœur. Donc la tâche de la sociologie, c'est être attentif au monde, être en prise avec le réel et ne jamais considérer, me semble-t-il, le social comme bouclé. Parce que peut-être que la sociologie l'a trop bouclé. Voilà. Et découvrir de nouveaux milieux, dont les milieux rebelles, me semble-t-il, qui font partie de l'arsenal. Absolument. Voilà. Eh bien, merci. Il y a du travail. Oui. Bon, moi, j'avais prévu quelques trucs, mais je propose de résumer ce que je voulais faire, et puis de le faire une autre occasion, et puis surtout d'ouvrir la discussion, parce qu'après, il sera trop tard. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est que, en rangeant ma bibliothèque, je suis retombé sur ce livre qui m'avait beaucoup marqué, il y a déjà une dizaine d'années, qui s'appelle donc « L'expérience de l'injustice, reconnaissance et clinique de l'injustice » d'Emmanuel Renaud, qui est un philosophe que la plupart d'entre vous connaissent peut-être, qui justement prend au sérieux donc, la thèse d'Honnête et essaye de la faire travailler dans le sens d'une inflexion que je trouve très intéressante, que je partage, puisque l'enjeu, c'est précisément de sortir d'un circuit de la reconnaissance qui serait préconstruit de certaines manières, où les normes qui sous-tendent une exigence de reconnaissance ou une quête de reconnaissance seraient déjà données, pour rendre visible et intelligible en fait des choses qui sont totalement invisibles et inintelligibles. Par exemple, pourquoi mon frère a voté Front National ? Ben, je dis ça. Ben, j'ai fait l'effort de comprendre pendant un an et il a voté Mélenchon. Alors les leçons normatives qui tombent d'en haut, zéro. Il faut aller voir, comprendre ce qui nous échappe. Et donc, ce genre de travail, c'est ça, ce que tu dis, en fait. C'est aller faire ce genre d'expérience. Donc, toi, tu le fais dans un sens, oui, OK, les rebelles en armes, etc., mais il faut le faire aussi dans l'autre sens. Et là, il y a une urgence concrète. C'est-à-dire d'aller comprendre ce qui ne se dit pas, parce que précisément, ça passe, on voit bien, par des porte-paroles totalement tarées. On a encore vu une démonstration. Mais c'est incompréhensible pour une sociologie. Donc, effectivement, on va l'écraser, le refouler avec tout l'arsenal argumentatif préparé qui a sa cohérence, évidemment. Si on amène la Shoah tout de suite dans la discussion, on va dire, voilà, point d'arrêt, quoi. On ne peut rien dire. Non, essayer de repartir donc, de ces expériences qui se sont perdues. Et Emmanuel Renaud, finalement, est très visionnaire, parce que quand on regarde la manière dont, justement, la question de la justice sociale est de moins en moins, en fait, prise en charge par une critique régulatrice, etc. Et il montre qu'il faut aller sur ces bords. Donc, maintenant, le mouvement descend, donc il s'appuie aussi d'une certaine manière sur Rancière. Hein. Donc, tout ça, il y a des nébuleuses, je ne sais pas comment les qualifier, elles ne sont pas forcément réformatrices, des nébuleuses critiques qui sont intéressantes quand même. C'est un peu le travail que tu essaies de faire à travers les textes aussi. Toutes ces affinités qui, justement, alors aujourd'hui, sont assez difficiles à rapatrier, parce que bon, il y a des querelles de chapelle, il y a des querelles d'ego, il y a des querelles de tradition politique. On voit bien quand même que ça c'est la pagaille. Pour avoir bagarré contre le texte de Laval et Dardot contre Mélenchon récemment, qu'est-ce qu'ils avaient besoin de faire un texte maintenant là, sur la question du populisme à 15 jours d'une élection, enfin, dire. Voilà, donc il y a quand même encore des réflexes, je trouve, extrêmement, on va appeler ça sectariste, même si j'aime pas ce terme, qu'il faudrait arriver à dépasser pour reconstruire ce que tu fais. Et donc moi, ce que je voulais faire, c'était proposer ce parcours, parce que dans un texte qui maintenant est assez ancien, mais qui date de 2006, je m'étais intéressé, donc j'avais fait un peu de sociologie clinique, j'avais pris une quinzaine de gens dont j'avais entendu dire par des amis qu'ils souffraient au travail, dans une assurance, pour ne pas la nommer, c'était AXA, au CNRS, toujours des cadres moyens, cadres supérieurs, des gens avec une certaine, etc., qui étaient vraiment partis soit en burn-out, soit qui avaient un sentiment d'être harcelés, soit d'être plus, etc. Et j'avais donc essayé de construire une sociologie de l'emprise, pour voir comment le travail qu'ils faisaient pour se déprendre, ou au contraire, comment ils constataient qu'ils étaient pris et qu'ils n'arrivaient plus à droite. Il y avait un côté favorisada. Hein. Et dans ces ressorts d'emprise, j'en avais quatre, qui vraiment étaient très forts dans mes analyses. La justification, donc ça me permettait de planter un petit truc entre deux, la justification, parce qu'en fait c'est une technique de pouvoir, la justification. C'est pas la solution, c'est le problème. C'est-à-dire que les gens étaient pris dans des boules de justification, donc n'arrivent plus à s'en sortir, passaient leur temps à se justifier. Et donc on voyait bien que, voilà, donc ressort d'emprise, mettre l'autre en situation de se justifier, devenir l'impératif de justification. Le deuxième ressort, c'était l'évaluation, évidemment. Alors, c'est devenu plus évident parce qu'on a vu émerger en fait cette espèce de machine évaluatrice et de mise en calcul et en conformité d'à peu près tout ce qu'on fait. Il faut tout justifier, mais l'évaluation, c'est encore une autre branche que la justification. Parce que ça ne cherche pas le fondement ultime. Au contraire, ça cherche à amener les acteurs à accepter des formes dont on sait qu'elles n'ont absolument. D'ailleurs, quand on fait des bilans d'activité ou des résumés ou des machins comme ça, on sait qu'on est dans le superficiel, peu importe, quoi. Donc il y a bien une différence. Le troisième, c'est don contre don, justement, l'instrumentalisation de plus en plus perverse, et vous l'avez dit d'une certaine manière, du sens de la gratuité, de la générosité comme mode en fait de management. Bon, ça, c'est pas nouveau, hein. C'est aussi, ça a été décrit depuis très longtemps dans la manière dont on est impliqué, à travers déjà les cercles de qualité, tous ces machins-là, on fait participer des acteurs à l'amélioration de la production pour un côté, allez-y, votre inventivité, soyez généreux quoi, d'une certaine manière. Ce qui fait que ça a fait éclater évidemment les formes du travail, puisqu'on n'arrête plus. Et la quatrième, qui s'avère être la plus perverse et la plus profonde, la reconnaissance. Tu l'as dit. C'est-à-dire comment le besoin de reconnaissance devient un levier de manipulation extrêmement fort et de fait souffrir profondément les personnes, du fait justement de cette description qu'en fait honnête comme nécessité pour l'être, d'être reconnu par l'autre pour pouvoir avoir une vision positive de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de ce qu'il va devenir. Et donc, j'en avais déduit à partir de là tout un parcours sur lequel je passe, parce que je voudrais qu'on discute plus généralement. Évidemment, dans le cas des chercheurs enseignants, c'est extrêmement maintenant documenté. Donc, moi aussi, j'étais tombé sur la thèse. Alors, je ne suis pas tombé pour les bonnes raisons, forcément. C'est parce que j'ai lu un billet de Philippe Corcuff, récemment publié, qui assassine un de nos amis d'ailleurs, au passage, enfin, ça c'est pas grave, Jérôme Lamy, et qui règle ses comptes parce que Jérôme Lamy a commis une note de lecture assassine sur un essai de Philippe Corcuff sur la spiritualité, je sais plus comment il s'appelle. Et donc Laurence Viry est un des appuis de ce texte de Corcuff, donc tiens, et effectivement, j'ai fait la même lecture que tu fais. Et Corcuff, dans son texte, en fait, donc, qui s'appelle Guide de survie existentielle en milieu académique de la police du ressentiment, c'est du Corcuff, en fait, il dit qu'il y a un mal-être profond dans les milieux, notamment en sciences sociales, etc., avec justement une forme d'angoisse de la reconnaissance qui devient de plus en plus massive et qui expliquerait la manière dont ce collègue a fait une recension de son propre livre. Enfin, bon, voilà. Donc c'est intéressant parce que ça rend visible d'une certaine manière, de manière sur une casuistique, sur un cas, hein, pensé par cas, là, on est vraiment dedans, le type de drame que ça peut générer qui devient public. Parce que bon, là c'est sur Mediapart, Zilzel versus blog Mediapart, mais on peut imaginer que ça prenne des proportions. Là, il y a même Fabiani qui intervient dans le débat. Enfin, bon, voilà. Je me rappelle, il y a eu un truc équivalent il y a une quinzaine d'années avec Grignon. Et lui avait déversé tout son ressentiment, son ressenti, allez, son ressenti, sur Bourdieu et compagnie, et même Boltanski d'ailleurs. Et donc ça prend des formes parfois, voilà, ça déborde, c'est un débordement. Et donc ces questions de tension de reconnaissance qui se transforment effectivement en émotions négatives qui vont être immédiatement discréditantes et disqualifiantes dans toutes les instances de jugement qui viennent autour, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Parce que ça fait partie aussi de ces mal-être au travail et de ces problèmes que les acteurs ne savent pas gérer autrement que soit en partant en dépression, soit en allant jusqu'au geste ultime parfois, soit en essayant d'en faire une cause individuelle qui fait qu'on reçoit des mails de 40 pages où on ne comprend absolument rien ce qui se passe, parce que tout s'est accumulé en fait. Et là, ça a été d'ailleurs une de mes ruptures avec le groupe de Boltanski. Il y avait à l'époque un critère qui était le jugement de normalité dans une situation. C'est-à-dire que les acteurs qui ont le bon format, qui savent s'exprimer, ils ont compris la grammaire de la situation, donc ils utilisent en fait les repères, les routines, hein, en termes ethnométhodologiques, pour faire comprendre la situation. En fait, quand le pathos s'est accumulé, n'a pas trouvé justement cette forme de représentation qui est à la charge de nos disciplines de construire, eh bien ça sort d'un coup, un espèce d'océan d'histoires tordues, etc. Et on dit il est fou. C'est-à-dire le premier réflexe, c'est de ne pas chercher à comprendre, mais de qualifier la pathologie. Alors je pense que là, il y a un travail à faire justement de revenir en amont. Et là, on a perdu du temps sur les neurosciences, les neuropsychiatres, les machins, les trucs. On l'a vu d'ailleurs sur la radicalisation, c'était assez comique. Bon, c'est un peu foiré, hein, parce que Gérald Bronner, spécialiste de la radicalisation, on a vu ce que ça a donné. Pour l'instant, résultat catastrophique, hein. Enfin, dans les prisons, les machins comme ça. Et donc là, on a un travail à faire pour reconquérir cette subjectivité-là, justement dans ses formes les plus limites. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, parce que subjectivité, je suis d'accord, mais il ne faut pas non plus le normaliser tout de suite, comme étant le sujet constitué politiquement, constitué cognitivement, psychologiquement, avec toutes ces instances que la philosophie a déjà mis en dictionnaire, hein, de manière très, très stabilisée. Et au contraire, quand il est aux limites d'un sujet qui se déborde lui-même. Et on voit bien, j'ai pris l'exemple de cas, parce que j'en ai eu plusieurs, de retourner des gens qui étaient partis vers le Front National, travail politique, donc au corps à corps, dans l'intersubjectivité, et pas dans la leçon de morale qu'on peut balancer où on veut, mais, etc. C'est aller chercher justement ces passages, ces débordements, pour essayer de les comprendre, les reconstruire, etc. Donc, la conclusion de mon truc, et je m'arrête là-dessus, c'était qu'au fond, sortir de la plainte ou du ressassement, de l'homme du ressentiment chez Deleuze, on connaît par cœur, etc. Bon, voilà. Toute la tradition qui aujourd'hui est devenue quand même une espèce de machine à discréditer. Hein. C'est-à-dire, si on est identifié comme étant dans le ressentiment, c'est fini, quoi. On se prend des espèces de vent en permanence, on ne peut plus rien dire. Et donc il faut faire très attention, c'est un objet fragile. Le chercheur, me semble-t-il, avec d'autres métiers, mais c'est vrai aussi des médecins hospitaliers aujourd'hui, enfin, il y a plein de secteurs comme ça, où il y a une telle exigence de beauté du métier et de nécessité du métier, et en même temps une impossibilité de le réaliser, que les gens sont aux limites, en fait, de ce point de vue-là. Donc, là, il y a une intention à développer. Et donc, je me disais qu'il fallait trouver des lignes de fuite, j'en ai trouvé 5. Il faut effectivement créer ou entrer dans des espaces coopératifs dans lesquels la reconnaissance reprend son statut originel, celui de la reconnaissance mutuelle. C'est-à-dire que ce n'est pas une reconnaissance qui fonctionne. Actuellement, il y a plein de textes pour se justifier là-dessus, parce que les gens l'ont attaqué en disant « Oui, c'est ça, alors les médailles, Fields, les machins, ça rend les gens complètement idiots, il va faire tout ce qu'il a fait, c'était pour avoir le prix Nobel d'économie. » Merci Benoît Hamon. Pardon. Pour avoir des reconnaissances, quoi. Vous voyez, donc le problème justement de l'ambiguïté de la notion qui devient en fait une valeur sociale pour laquelle tout le monde court et qui bousille en fait des vies entières, parce qu'il y en a un qui aura peut-être la médaille Field. Bonjour Milani, salut. Au passage, non, mais ça ne rend pas forcément intelligent, on voit bien. Et donc en fait, c'est une pathologie de reconnaissance. Pour en sortir, il faut créer des espaces coopératifs dans lesquels en fait. On retrouve un principe de réciprocité, et ça, il n'y a pas de norme absolue. C'est-à-dire qu'il y a une infinité de façons de le faire, et je pense que la sujet ne doit pas arriver en position normalisatrice pour dire voilà ce que c'est qu'un collectif qui marche. Et là, on a du boulot à faire, parce qu'on a, bon, d'accord, on a Marcel Mauss, on a tout ce qu'on veut, on peut sortir des trucs, mais je crois qu'il faut partir de descriptions fines, hein, de coopération réciproque, et il y en a partout. Enfin, on les trouve en fait dans les mondes, etc. Ensuite, il y a la durée. Il y a la question de la durée. On n'a pas beaucoup parlé de temporalité, mais ça fait partie de cette tension, de l'urgence, le truc, toujours les deadlines. L'autre jour, je reçois à minuit et demi, donc la veille du premier tour, une lettre du directeur de la recherche de Paris Sciences Lettres qui m'invite à une réunion le lendemain, le lundi. Et en même temps, il y a des affiches partout dans les bureaux de l'HESS, droit à la déconnexion, etc., les emails le week-end. Je te l'ai envoyé d'ailleurs. Là, on est dans une situation, il s'excuse, il dit oui, c'est très rapide, mais il fallait faire la réunion tout de suite, etc. Donc, on est toujours dans cette espèce aujourd'hui de pilotage par l'urgence. Réintroduire de la durée. Réintroduire de la durée, ça veut dire aussi ne pas attendre forcément une reconnaissance immédiate ou rapide, et ça c'est compliqué, parce qu'effectivement, il y a le piège de ne jamais rien voir venir. Et donc, il faut penser la durée, il faut remettre les choses dans la durée, parce que sinon, on n'en sortira pas. Ensuite, il y a le problème du pied dehors, pied dedans, que moi j'aime bien défendre, c'est-à-dire ne jamais s'enfermer dans son propre milieu. Bon, c'est vrai que le dîner en ville marche de moins en moins, et une des explications, c'est un collègue québécois qui me l'a donné, c'est que tout le monde a divorcé plusieurs fois, on n'a plus la moyenne d'avoir des appartements de 150 mètres carrés, donc en gros, on ne peut plus recevoir les 15 collègues avec lesquels on faisait le business le samedi soir pour décider qui allait rentrer au CNRS, ou qui. Donc aujourd'hui, ça se passe par Internet ou par d'autres voies. Mais n'empêche que pied dedans, pied dehors, ça veut dire éviter de fréquenter son milieu. C'est-à-dire, d'une certaine manière, se forcer pour que la sociologie puisse redevenir vivante. Il faut qu'on ait tous qu'on puisse ramener à l'intérieur de la sociologie et la sociologie dans des mondes qui ne sont pas connectés, a priori. Et là, il y a un entre-soi qui s'est quand même vachement organisé, qu'il faut aujourd'hui briser à nouveau, et ce qui n'est pas évident, on le voit bien, etc. Après, il y a la question des objets, parce qu'on n'a pas parlé d'objets. Alors, la Tour serait pas contente s'il avait eu le séminaire, on n'a que des gens, des nominations, des machins. On porte des objets. Et quand même, non, mais des objets, des choses, quoi. Nous, quand on travaille sur des écosystèmes, on travaille sur des réacteurs nucléaires, sur, on fait toutes sortes de machins, je ne vais pas faire la liste, on s'y intéresse vraiment. Moi, je me passionne pour le générateur de vapeur de 400 tonnes qui est tombé à Paluel. Tout le monde s'en fout. Enfin, il est tombé, c'était pas prévu dans les scénarios. C'est un objet fascinant. Et qui s'y... Après, tous les acteurs autour de ça, leur préoccupation, c'est comment éviter que ça se reproduise. Donc, allez regarder vraiment au contact les choses. Et là, il y a une sociologie quand même en gestation, pragmata. Bon, voilà, les choses... C'est le pragmatisme, c'est aussi aller vers les choses. Parce que là, du coup, on peut renouer le contact avec les acteurs. Parce que tu parlais d'acteurs ordinaires, mais finalement, ils ne sont pas si ordinaires que ça. Ils sont tous extraordinaires quand on les voit au contact avec les choses. Enfin, même les chasseurs, j'ai essayé, je fais un effort sur moi. Moi, je cherche les cèpes, ils cherchent autre chose. On se croise de temps en temps, ben, je les prends au sérieux. J'ai même poussé le vice jusqu'à m'intéresser aux mecs qui font des rallyes de quads, là, des trucs monstrueux. Je passerai tout ça là. Bon, essayons de comprendre qui sont ces gens, pourquoi ils ont l'air monstrueux dans leur truc, là, voilà. Donc aller vers les choses, c'est vachement important, parce que c'est là où sont les êtres se tiennent avec les choses. Et enfin, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est pour moi, hein, c'est travailler à l'expression, et ça rejoint ce que tu dis sur passer dévoilement, redescription, critique. C'est travailler à l'expression de ce qui n'est pas visible, pas entendu, pas compris. Et on voit à quel point la pathologie du système de communication, on l'a encore vu hier soir, pour ceux qui ont eu le malheur comme moi de regarder ce putain de débat nul, c'est pathétique. On arrive à un niveau de communication politique, mais qui est affolant, enfin, je veux dire, qui est même dangereux. Alors, c'est pas que chez nous. On prend le Trump, le Brexit, tout ce que vous voulez, pour prendre des exemples partout. J'imagine que les spécialistes de la Russie contemporaine peuvent aussi parler de leur communication en Russie. Enfin, bon, on est dans une pathologie, mais qui a atteint un seuil. Donc, notre boulot, c'est effectivement de travailler la redescription, la réexpression de ces choses, et de travailler évidemment avec les autres sciences, parce que là, pour le coup, on ne peut pas parler de la sociologie toute seule. C'est un point qu'on n'a pas abordé. Évidemment, l'injonction de l'interdisciplinarité, c'est une catastrophe quand ça vient comme injonction. Mais on sait faire, en fait, aller chercher des écologues, des épidémiologistes, des mathématiciens, des informaticiens, en fait, tout ce qu'on veut. Et là, il y a aussi quelque chose à reconstruire pour rendre intelligibles les choses qui n'arrivent pas à s'exprimer. Parce que quand ça ne s'exprime pas, ben, ça s'internalise. Et toutes les pathologies peuvent venir se greffer dessus. Et on a ces catastrophes qu'on a parcouru. Donc pour, voilà, c'était aussi une façon de dire ne partez pas, ne vous suicidez pas tout de suite. Il y a plein de choses à faire. Et il faut se donner des guidelines comme ça, mot monstrueux, c'est-à-dire des lignes de fuite, j'appelle ça comme ça, provisoirement, pour essayer de ressortir de cette ornière, parce que je partage tout à fait le diagnostic, on est de plus en plus enserré dans une... Et puis on ne peut plus conseiller un jeune doctorant de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, parce qu'il est sanctionné. Alors je vous rappelle qu'on a retiré donc, le directeur de thèse, il est invité au jury de thèse désormais, mais l'école des hautes études, ayant pris conscience de quand même la gravité de cette décision par décret donc, hein, du ministère qui est tombé l'année dernière, nous impose quand même faire un rapport. Donc c'est la double peine, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'on va être invité, quoi. On n'a pas le droit de participer aux délibérations, mais par contre il faudra faire un rapport de thèse. On voit bien le genre d'injonction paradoxale, qui passe, j'ai pas vu une seule critique, une part. Bon, c'est très bien que si on ose faire un mail un peu... Hein, on voit ce qu'on prend dans la figure. Au moment du décret, ça y est, il y a eu pas mal de débats. Au moment du décret, mais dans l'école, quand il est arrivé, les gens le découvraient, n'avaient visiblement pas suivi les discussions. Bon, voilà, c'était juste... Voilà, c'est ça que je voulais dire, mais en fait, je me rends compte que j'ai quand même pris du temps, donc voilà, j'arrête. On discute, parce qu'il y a plein de questions de fond qui ont émergé, qui valent la peine d'être repassées au moins une fois, avant que nos neurones... Et nos cellules gliales fatiguent. Jean-Michel, non ? Florentière, tu ne peux que réagir. Non, mais je vous dis juste une chose, peut-être ajouter comme ligne de fuite, ouais, parce que surtout ce qui a été dit, parce que ça serait compliqué de reprendre et de le développer, mais je trouve que les débats. Parce que c'est les débats qui ont lieu aujourd'hui sur la question des sciences participatives montrent que c'est un lieu justement où se joue cette confrontation entre tout le formatage, parce qu'en même temps c'est appelé par l'Europe, etc. Ça fait partie du collège des choses associées à la recherche et l'innovation responsable. Mais en même temps, quoi, ça suscite Beaucoup de débats autour des questions de reconnaissance. On pourra participer à la préparation un peu de la charte qui a été signée sur les sciences participatives. La demande c'est, initiale de ça, c'est vraiment une demande de reconnaissance de la part de chercheurs qui faisaient ça dans les marges et qui justement demandaient à ce que ça puisse être reconnu dans les processus d'évaluation. D'évaluation, les processus plus normés, etc. Et trouver ce moyen d'essayer de réinstaller ces pratiques marginales un peu plus au cœur du système. Mais c'est aussi intéressant de le voir comme ça, quoi. Comme un enjeu de confrontation entre des modèles et des manières de pratiquer la recherche et qui justement réinstalle, alors, avec beaucoup de débats sur les terres, la question justement d'espace de coopération. Notamment avec des acteurs marginaux pour donc à la fois une attention aux choses mais une attention aussi l'attention à ce que font des acteurs dans des marges mais qui sont à chaque fois paradoxales. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est à chaque fois c'est paradoxal parce que d'une certaine manière c'est un peu aussi ce que décrit dans les par projet. C'est déjà pris aussi dans des formes de discours dominants. Et donc le problème, c'est toujours d'être en tension entre un discours dominant qui promeut ça et une pratique qui s'en éloigne. Et donc ça suscite. Ouais, donc c'est simplement pour dire que c'est un espace d'observation de pratique qui est relativement intéressant pour voir ces tensions. Alors tout, c'est une autre manière de le prendre que le précariat ou comme ça, même si on peut, mais c'est autour de moi. Et puis une autre autour de ça aussi un autre aspect que alors c'est par rapport à l'exposé de Sylvain qui est la question de la nécessité d'une réflexion épistémologique alors sur justement les modes de représentation de la recherche et de la science dont se prévalent parce que c'était une des choses qui était tout à fait remarquable dans le mouvement contre la LRU, c'est que finalement, et dans tous les mouvements qui ont lieu, c'est que finalement, un des premiers mots d'ordre avancés, c'est toujours la défense de l'autonomie de la recherche. Et donc, c'est au nom d'une certaine vision de la science qu'on défend. Mais sauf que cette vision de la science, si ces mouvements sont défaits, c'est qu'ils défendent une vision de la science qui est défaite par la réalité. Et donc, et là-dessus, il y a eu assez peu d'élaboration pour repenser une épistémologie scientifique qui ne soit pas celle de... Bon, alors, moi, je ne connais pas assez Peirce pour refaire tout ça. Mais en tout cas, celle de Merton, voilà. On est encore un modèle mertonien de la science, alors que de fait, il y a une évolution des pratiques scientifiques, et notamment dans les sciences du vivant, et autour de l'écologie, mais dans les sciences du vivant, de la santé, etc., qui a complètement défait ces... ce que tu oublies, c'est que dans ces mouvements-là, il fallait faire des coalitions. Oui, non, mais je tu avais des positivistes ou des rationalistes, peu importe, voilà. Il fallait ça donnait encore plus de force au mouvement, le fait qu'il soit là. Alors après, la marche pour la science qu'on a vue là récemment, c'est intéressant de voir la transformation aussi. Bon, alors il y a Trump et les climato-sceptiques en face. Et donc là, tu as besoin des rationalistes pour dire, voilà, la science, attention, c'est sérieux, faut pas faire n'importe quoi, etc. Il faut voir les coalitions à chaque fois, et je pense pas que ce soit que les gens soient mertoniens dans leur pratique. Ils n'ont jamais été modernes, comme dirait l'autre, et ils bidouillent et ils font du réseau, comme Calon l'a très bien décrit. Le problème, c'est qu'il y a des moments où ça donne une légitimité, parce qu'il y a même l'Académie des sciences qui défend le mouvement, par exemple. Oui. Et ça, je pense qu'il faut le recontextualiser, parce que sinon... Non, mais je pense qu'on ne dispose pas d'une autre épistémologie que l'épistémologie rationaliste énoncée, travaillée à une époque de la science qui n'était pas... À cause du postmodernisme, non ? Qui a peut-être trop vite balayé, je sais pas. Vas-y, si tu as une idée. Mais en fait, c'est mon habilitation pour les gens. On t'entraîne là. Merci de me rappeler à mon devoir. Non, mais c'est vrai qu'il y a quelques ébauches quand même. Hein, Alors, il y a eu la socio-épistémologie, effectivement, qui a. Avec des gens comme Goldman, etc. Donc, qui. bon, qui était quand même pas mal ancré dans la philosophie analytique et puis par ailleurs dans le paradigme des sciences cognitives, donc toute la problématique de la cognition, etc. Donc c'était déjà un premier frémissement hein, dès les années 80. C'est intéressant, bon, il y a pas mal de gens qui ont emboîté le pas par la suite. Alors il y a des choses en épistémologie aussi, alors qui viennent assez souvent du monde anglo-saxon d'ailleurs à l'origine sur, par exemple la logique de la déférence, par exemple le fait de ne pas avoir le rapport immédiat qui est caractéristique de la référence, donc le rapport du moi et de la chose en quelque sorte, mais à inclure dans des modèles épistémologiques la médiation. Par exemple, par le témoignage, par l'autorité épistémique. Voilà, des choses comme ça aussi, tout à fait. Et on a aujourd'hui toute une épistémologie du témoignage aussi qui s'est beaucoup développée dans le monde anglo-saxon. Ce que je constate aussi, c'est que par rapport au modèle de l'éthos de la science de Merton, bon, qui a été un petit peu enrichi, alors, notamment le critère d'originalité qui a été inclus comme cinquième critère. Il y a des gens comme Zeman qui travaillent dessus aussi sur l'approche réaliste de la science aujourd'hui. En fait, il y a aussi une énorme réflexion sur les normes et les vertus épistémiques hein, qui a été développée dans le monde anglo-saxon. Des gens comme Zagrebski, mais qui renvoie aussi à Dewey d'ailleurs. Hein. Il y avait des choses déjà dans How We Think hein, chez Dewey qui portaient précisément là-dessus. Et donc on voit qu'il y a en fait un travail de réflexion qui essaie de donner des fondations un petit peu élaborées, disons, à ce que le pragmatisme ou la sociologie pragmatique travaille depuis assez longtemps sur la base de l'activité des acteurs. Mais avec des disons peut-être des principes qui sont un peu différents dans l'enquête justement sociologique. Alors que là, c'est vrai que du point de vue de l'épistémologie, on est aussi dans un travail sur les modèles, parce que le modèle n'est pas un absolu, bien entendu, mais c'est un contre-modèle. C'est-à-dire, c'est aussi une manière de dire, attendez, le modèle qui est standard ici, c'est pas le seul possible. Hein. Il y en a d'autres qui sont possibles, et ne serait-ce qu'énoncer quels sont les différents aspects de ce modèle alternatif, c'est déjà pas mal comme émancipation par rapport à un modèle standard. Voilà. Peut-être faire émerger des questions totalement hors du groupe. Non, vous n'avez pas de réaction, d'interrogation radicale? Si. Peut-être, issu d'une rencontre récente dans le cours, qu'est-ce que vous imaginez, pensez à propos de vous parliez d'autodidaxie tout à l'heure, dans les banlieues, c'est tous ces gens qui créent une sphère de connaissances grâce à Internet et qui se refont un monde en général assez menaçant d'ailleurs pour eux-mêmes. Et j'ai l'impression, enfin après ce dialogue que j'ai eu dans le RER il y a deux jours, qu'il y a urgence à se tourner aussi vers ce monde-là, à la part de la société, de la périphérique entre nous. Mais enfin, j'ai entendu des choses qui m'ont fait beaucoup réfléchir et m'interroger beaucoup. Alors, c'était des usages de l'histoire. Donc, je suis historienne, donc vraiment, ça m'a renvoyé ça. Vous êtes sociologue, donc certainement, quelque chose aussi. Moi, rapidement, en deux secondes, ce que j'enregistre, mais on est nombreux à l'avoir fait, c'est la démolition systématique depuis une vingtaine d'années de toutes les médiations qui ont été construites dans les périodes antérieures. Et les réseaux associatifs sont aujourd'hui dans un état qui est absolument lamentable. Et donc, il faut reconstruire ces médiations. Et ça fait partie, d'une certaine manière, des axes de recherche participative qui sont normalement dans le cahier des charges, des groupes qui portent ces idées d'empowerment, je ne sais pas, enfin en tout cas de se rapprocher pour ramener aussi des acteurs dans des arènes de discussion où, bon, avec un peu de relativisme au début, il va falloir de toute façon qu'il y ait des chocs. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien qu'il y a des choses qui se sont cristallisées. On voit bien le journal Le Monde qui fait son truc là, sur les faits alternatifs, par exemple. Ils ne se posent pas la question de comment se fabriquent ces mondes qui se séparent, qui se dissocient. Et bon, on va taper dessus et on va stigmatiser des sites comme étant, etc., etc. Bon, c'est peut-être important, effectivement, mais en tout cas, si on remonte pas à la source et dans les milieux où émergent précisément ces fabrications, c'est sûr que là, on va vers des mondes. Déjà qu'on voit bien, on assiste à une fracturation à minima en 4 quarts, voire avec un cinquième qui est lui, le cinquième continent qui est carrément, qui est parti on sait pas où, on va appeler ça la partie des abstentionnistes chroniques. Donc déjà arriver à faire des compromis entre ces visions du monde, ça va être compliqué. Hein. Donc si on descend à, il y a un problème d'échelle, je pense. C'est vrai que moi la subjectivité c'est vraiment au programme depuis longtemps. Hein. Dans l'expert et faussaire, c'est le petit détail que quelqu'un voit sur un truc qui déclenche une affaire de faux. Hein. Ça part de j'ai une intuition et je la prends au sérieux. Et donc partir de ces expériences extrêmement fines, donc une conversation dans le métro, il faut en faire quelque chose. Je pense qu'il ne faut plus laisser perdre en fait les fils de tout ce qui peut renouer des interactions, des communications. Parce que sinon, effectivement, on est dans des mondes totalement dissociés. Quoi. Je ne sais pas comment qualifier ça. Avec une communication qui devient quasiment impossible. Et donc plus de commun, parce que enfin, ce qu'on appelle plus commun, ce sont des communs pour certains, mais oui. Pas pour d'autres. Oui. Tu es donc d'accord avec la diplomatie ontologique de la Tour? Mais avec la Tour, j'ai pas de désaccord absolument sur tous les points, c'est simplement sur la méthode, la Tour, ouais. sur ça. Oui, ça c'est sûr. Mais, la méthode de la Tour, elle se résume assez simplement, c'est son ego surdimensionné. Bon, allez. Tu as une réponse à ça, à cette question de, on va appeler ça les visions alternatives radicales déconnectées. J'ai un désir de connaissance aussi. Oui, oui, oui. Un désir de penser, de construire son monde. Vas-y. Juste une question, est-ce que vous connaissez les grands voisins? Les grands voisins? Non. Ben non, tu vois, on va apprendre des choses tous les jours. Comment ça connaît? Si, bien sûr, dans ce détail. Hein? Voilà, 10 minutes d'ici, en plein cœur de Paris. Bah oui, bien sûr. Et alors, vas-y, disons plus quand même. C'est une ville qui, sans organisation, qui s'auto-organise. C'est-à-dire, c'est l'ancien hôpital de Saint-Vincent-de-Paul. Ah oui, d'accord. Depuis un an et demi, les bâtiments ont été vidés. Je ne savais pas. Et elles sont louées, je ne sais pas, à un prix dérisoire, je crois, un euro le mètre carré, je ne sais pas comment ça marche. Et il y a des quantités d'expérimentation, des jeunes qui ont ouvert des ateliers, des jeunes artistes, enfin, des écoles d'art, qui ont ouvert des ateliers, qui font des expositions, qui ont ouvert des ateliers au public. Il y a des familles qui viennent avec leurs enfants le week-end pour faire plein de choses. Il y a une bonne partie aussi des bâtiments qui sont occupés par Coalia pour des centres d'hébergement pour migrants ou demandeurs d'asile. Tout le monde joue au foot, enfin bon, les jours où il fait beau, dans les espaces. Tous les endroits verts sont en train d'être remis en culture parce qu'il y a des tas de cuisines. Enfin, je veux dire, c'est un espèce de monde. Oui, c'est un micro-monde. Absolument. Dans lequel il se passe, vraiment, je trouve beaucoup de choses et c'est en plein cœur de Paris. Ça renvoie à un mouvement qui a été décrit par le groupe là, des Constellations. Comment il s'appelle ? La mauvaise troupe. Donc, effectivement, il y a plein comme ça d'expériences et d'altermondes en fait, qui se construisent dans les interstices ou sur des friches. Qui a aussi une histoire longue. Hein. On va prendre une bagarre, un truc comme ça, mais on peut remonter à plein d'expériences des années 70. Et c'est effectivement. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut fédérer forcément ces choses-là ou est-ce qu'il faut leur laisser vivre leur vie? Parce qu'en les fédérant, ça peut produire des effets pervers, type comme les sciences participatives. Quoi. On va les normaliser, on va mettre des cahiers des charges. Des... Oui, de toute façon, au mois d'octobre, c'est fini. Ouais, c'est temporaire en plus. C'est une phase. On peut se demander d'ailleurs si ces micro-mondes sont plus. Sont voués à une sorte de cohabitation, plus ou moins transitoire, provisoire, tolérée, comme ici, la Brèche, qui est, de toute façon, On parle de la brèche, mais les gens de la brèche ont été fichus dehors, ils ne sont plus là. Enfin, on leur a loué de nouveaux locaux. Hein. Donc, voilà. Eux-mêmes ne voulaient pas partir. Ils sont juste là, au premier étage, le Corbusier. Là. Donc, il y a là une cohabitation entre ce qu'on pourrait appeler une société instituée, quoi, qui, voilà, avec des gens qui faisaient des choses originales entre eux, qui s'auto-organisaient, qui faisaient leurs séminaires, faisaient venir du monde. Je ne sais pas jusqu'à quel point les titulaires, les statutaires de l'école ont pris part à ça, quelques-uns, mais c'est, je me demande si ça reste justement une sorte de village de Huron, là, et ouais, est-ce que ces modèles-là, il faut se débrouiller soi-même, dire en fait, apprendre à s'organiser, apprendre à supporter la divergence aussi, trouver des modes qui fassent tampon, parce que j'imagine qu'on va être avec des gens qu'on apprécie, d'autres pas, et voilà, et il faut quand même faire tourner ça, ça dépasse le périmètre de la personne de chacun. Est-ce que jusqu'à quel point ça forme une nouvelle classe d'acteurs politiques le mot classe, mais qui pourrait être finalement une sorte de prémisse d'une structure communale, fédérale de nos sociétés, donc qui cohabite, mais qui, comme dirait Macron hier, mais qui parasite au point de se développer, de se métastaser et finalement de donner lieu à des formes d'être ensemble qui rendent le monde dans lequel nous sommes, la société, obsolète. Ou bien est-ce que ça va être une sorte de ce qu'on montre aussi dans les genres de dystopies à la Mad Max où on a comme ça des espèces de groupuscules qui s'organisent sous The Walking Dead, sur un mode dictatorial, sur un mode plus ou moins démocratique, sur un voilà. Il faudrait faire une séance de prospective. Oui, là, c'est la prospective sur les mondes espaces alternatifs. Mais ce qui tient, ce qui fait continuer, parce que je ne sais pas si c'est un rapport entre les grands voisins, par exemple les lentilles, qui est une vraie commune libre, c'est la praxis, c'est dont on n'a pas parlé. Oui. C'est ça qui nourrit la réflexivité, l'enquête, etc. S'il n'y a pas de praxis, il y a un bon squat bourgeois ou au contraire un petit truc. C'est la notion de praxis, elle est absolument fondamentale. Oui, il y a le langage aussi. Et oui, mais ça fait. Comment est-ce que l'on sait, oui, bien sûr, ça fait partie. Mais c'est ça, pour ça que. Mais il y a aussi l'exportation. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes étudiant et enseignant, que vous faites votre boulot, enseignant, vous enseignez, étudiant, vous étudiez, ça se passe très bien. Si jamais, parce qu'il y a quelque chose qui vous pose problème dans le fonctionnement de l'institution et du lieu, de l'environnement de travail dans lequel vous trouvez, que du coup vous arrêtez d'enseigner, vous arrêtez d'étudier, eh bien là, il y a, vous êtes le problème. Au bout d'un certain temps, si vous restez, comme là, c'était très bien, ils sont venus d'eux-mêmes, paf, ils ont occupé la salle. En fait, c'est un mouvement d'occupation des salles qui essaye de se développer dans les universités, pas seulement ici. Et d'abord surprise, tout ça, il y a une sorte de bienveillance académique peut-être, ça marche. Et puis ensuite, on leur dit, les gars, c'est quand même bien sympa, mais on a besoin de la salle, donc on va vous trouver un autre truc. Et donc, hop, on normalise. Et donc, voilà, comment la marge peut-elle être intégrée dans le centre, sans que le centre finalement fixe ses règles, quoi. Normalise les trucs, régule, circuler, il n'y a rien à voir, de sorte que, ensuite on aura sans doute un jour ou l'autre une étude sur la brèche, hein, qui veut dire la baraque radicale des aides qui chatouillent l'État, voilà, et Et donc, effectivement, on aura quelque chose comme ça, et puis voilà. Oui, mais ça crée des précédents, ça crée... Oui, mais on a des cimetières qui sont pleins de précédents. C'est vrai. Et on a Macron ou Le Pen qui dirige les choses. Ouais. Oui, mais... Non, mais ce qu'il y a, c'est que... Il y a le précédent, l'épidémiologie après du précédent, c'est-à-dire comment il se répand. Donc là, ça vaudrait vraiment la peine de regarder le plus près comment ça se passe, parce qu'il y a il y a sans doute des versions, des variations très, très importantes. Et puis après, il y a cette dialectique de l'institution et de ses marges. Il y a des marges qui sont tolérées au sein de l'institution. Et ça suppose, à mon avis, qu'il y ait des gens dans l'institution qui aient la double culture, qui aient un pied dedans, un pied dehors aussi. Les marginaux, c'est quand tout ça. Mais avec des gens aussi qui, comment dirais-je, qui certainement ont pris conscience de l'enjeu qu'il y avait à avoir cette espèce de dissidence interne, mais qui est utile, qui est nécessaire, y compris pour renouveler l'institution. Donc c'est déjà toute une pensée qu'il y a derrière ça, parce que tout le monde n'en est pas là, certainement. Je suis absolument pas d'accord du tout avec cette analyse-là du tout. La dissidence, ouais. C'est pas quelque chose... Enfin, un autonome ou quelqu'un de la brèche, etc., n'a pas posé la question de savoir si ça modélise, ça normatise, c'est pas son problème. C'est suffisamment fractal, disséminé pour que ça fonctionne. Et d'autre part, quand on dit... il y aurait une étiologie ou une épidémiologie, c'est la même chose, il y aurait un début, une fin, un cimetière, c'est pas tout à fait ça, parce que quand on connaît par exemple ce qui se passe actuellement, on verra que dimanche soir, de toute façon, immédiatement Macron va être entravé, précisément, par la puissance de la rue. Donc il n'y a pas ce présentif, enfin, cette espèce de rupture de l'avant ou de l'après, il n'y a pas non plus de dissidents. Nous sommes dans les institutions et ils ne sont pas dissidents pour autant. La dissidence, elle représente encore quelque chose d'extrêmement normatif qui cache la puissance de l'agir. C'est de ça dont on parle, une puissance de l'agir, de quelque chose qui veut réhabiliter, réparer la question. Quand je parle de dissidence, je parle de dissidence ordinaire. Hein, c'est pas... Oui, mais la dissidence, c'est un terme qui est. C'est comme la désobéissance, c'est un terme extrêmement normatif et biopolitique. Oui. Par définition. Mais, oui, d'accord, ok. Donc, si on se place du point de vue de ceux qui portent un jugement sur les dissidents. Oui, ou de celui qui émet ce langage-là. Hein, peu importe. Voilà.